Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. 20e épisode. Le portrait de Lucrèce Borgia. Le sinistre trio des lords de la main rouge est toujours à la recherche d'argent. Mais la providence diabolique qui les protège est encore une fois venue à leur secours en la personne du collectionneur d'art Balthazar Buxton. Ce vieillard, milliardaire et maniaque, a en effet promis $1 million à Fritz Kram si celui-ci pouvait lui procurer le célèbre portrait de Lucrèce Borgia, une toile du Titien, qui appartient à William Dorgan. Fritz Kram a aussitôt imaginé de faire une copie du tableau par Louis Grivard, un peintre français qu'il tient, pour quelle mystérieuse raison, entièrement sous sa coupe. Seulement, au cours de sa visite chez Balthazar Buxton, Fritz Kram a fait la connaissance de la belle Lorenza, la guérisseuse de perles, et il en est tombé follement amoureux. Oui, Fritz Kram est amoureux. Mais n'était-ce pas un peu imprudent de sa part de présenter Lorenza au peintre Louis Grivard? Graziella, où es-tu? La signora Lorenza m'a appelé. Oui, Graziella, dis-moi, monsieur Grivard n'est pas encore arrivé? Oh, mais voyons, signora. La signora sait bien que s'il était déjà arrivé, il serait déjà près d'elle. Oh, vraiment, la signora est très amoureuse. C'est vrai, Graziella. Cela fait maintenant un mois que je connais Louis. Et je l'aime chaque jour davantage. Tu ne peux pas savoir comme je suis amoureuse. Et triste à la fois. Triste, signora? Oui, j'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il a l'air souvent si préoccupé. Cette nuit, j'ai rêvé qu'il était malade. Oh, si c'était vrai! Oh, c'est lui, enfin! Oui. Va vite ouvrir! Oui, Graziella! Lorenza. Louis, enfin. Oh, j'ai eu si peur que vous ne veniez pas, si vous saviez. Vous n'êtes pas malade, n'est-ce pas? Malade, moi? Non, pourquoi? En voilà une idée. Oh non, Louis, ce n'est pas une idée, mais un rêve. Un rêve? Oui, j'ai rêvé que vous étiez malade. Et les rêves ne trompent jamais. Laissez-moi vous regarder. Vous avez l'air triste, préoccupé. Je suis sûre que vous me cachez quelque chose. Dites. Vous êtes une vraie magicienne, Lorenza. On ne peut rien vous cacher. Oui, c'est vrai. J'ai des ennuis. Asseyez-vous près de moi et racontez-moi ce qui ne va pas. Ai-je droit à un baiser avant? Maintenant, je vous écoute. Voilà. Vous savez que depuis déjà un mois, je travaille à la reproduction d'un tableau du Titien, cette fameuse Lucrèce Borgia qui appartient au milliardaire William Dorgan. Oui, je sais. C'est la commande que vous a faite Fritz Kram. Il paraît que votre copie est aussi parfaite que l'original. Sans fausse modestie, c'est vrai. C'est bien là le problème. Le problème? Mais pourquoi? Parce que Fritz Kram m'a demandé de substituer ma copie à l'original. Et ça, je ne peux pas l'accepter. C'est du vol pur et simple. Mais c'est bien facile, vous n'avez qu'à... Eh bien non, justement, ce n'est pas si facile. Si je n'obéis pas à ce misérable, je m'expose à des représailles terribles. Je ne comprends pas pourquoi. Que peut donc Fritz Kram contre vous? Oh, hélas, il peut beaucoup. Je vais tout vous raconter, Lorenza. Je crois vous avoir dit déjà que j'avais perdu mon père, n'est-ce pas? Oui. Seulement, je ne vous ai jamais dit comment il était mort. Il s'est suicidé. Oh. C'est une longue histoire. Mon père était industriel et possédait plusieurs usines dans la région parisienne. Ses affaires marchaient parfaitement bien, seulement L'année dernière, le banquier auquel mon père avait confié tous ses capitaux est passé à l'étranger en laissant un déficit de plus de 3 millions. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire quelques expositions pour gagner ma vie. Mon père, lui, s'est embarqué pour New York. Le pauvre homme. Il espérait pouvoir y refaire fortune. Je devine qu'il n'a pas réussi. Mais non, malheureusement. 3 mois plus tard, j'ai reçu une dépêche qui m'annonçait son suicide. J'ai dû alors partir pour New York afin de m'occuper de son enterrement et j'y suis resté. Comme il fallait bien que je survive, j'ai organisé une exposition avec les tableaux que j'avais apportés avec moi. C'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance de Fritz Kram. Il a acheté 2 de mes toiles. J'ai très vite compris que ce qui l'intéressait surtout, c'était mon habileté à recopier les maîtres anciens. Un jour, il m'a demandé de venir le voir dans son hôtel particulier. Et c'est alors qu'il a dû vous faire tomber dans quelques traquenards. C'est bien cela, n'est-ce pas? En effet. Je n'étais pas plutôt entré dans son bureau qu'il a sorti une lettre de son portefeuille et me l'a tendue. C'était une lettre de mon père, une lettre terrible. Il y écrivait sa détermination de se donner la mort. Et il ajoutait qu'il avait volé 50 000 $ à Fritz Kram et qu'il ne pouvait survivre à ce déshonneur. Oh, mon pauvre Louis, comme vous avez dû être malheureux. J'étais atterré. Fritz Kram m'a demandé ce que je comptais faire. Bien sûr, je lui ai répondu que je le rembourserais jusqu'au dernier dollar et je lui ai immédiatement signé une reconnaissance de dette. Alors il m'a proposé d'entrer à son service, afin de m'occuper de la restauration de tableaux anciens. Et depuis, je suis obligé de me soumettre à toutes ses exigences. Oh, le misérable. Si encore je lui devais réellement cette somme. Mais pourquoi dites-vous cela? Croyez-vous que... Quelques jours plus tard, j'ai reçu de Paris une lettre de mon père qu'il m'avait envoyée avant sa mort. Il m'écrivait son intention de se suicider, mais insistait sur le fait qu'il mourrait sans devoir un sou à personne. Et que j'avais ainsi le droit de respecter sa mémoire comme celle d'un homme intègre. Mais alors la lettre que Fritz Kram vous a montrée, c'était un faux? Bien sûr. Louis, il faut absolument que vous récupériez cette reconnaissance de dette. J'y ai bien pensé. Mais comment? Je ne sais pas encore, mais je vais y réfléchir. Mais pour le tableau, que puis-je faire? Je ne peux quand même pas... Mais si vous apportez à Kram la copie que vous avez faite, croyez-vous qu'il s'en rendra compte? Oh non, sûrement pas. Seulement, tout n'est pas si simple. J'ai appris par une indiscrétion que Fritz Kram devait vendre ce tableau à Balthazar Buxton. Vous voyez que la situation est inextricable, Lorenza. Ne nous décourageons pas, je vais y réfléchir, vous dis-je. Je suis sûre que nous nous en sortirons. Pour le moment, l'essentiel est de gagner du temps. Attendez au moins jusqu'à demain avant de livrer le tableau à Fritz Kram. D'ici là, j'aurai sûrement trouvé un moyen. Eh bien, Louis, vous ne m'embrassez pas? Un tout petit baiser? Oh, ma chérie. Comme je vous aime. La signora a bien dormi? Oh. Oh non, très mal, Graziella. Oh. Oh. Approche de mon lit le petit bureau de citronnier, Graziella, veux-tu? Voilà, comme ça, merci. Je vais te donner un télégramme pour le signor Fritz Kram. Voilà, porte-le tout de suite à la poste. Non, attends! Avant de partir, referme les rideaux. Je vais essayer de dormir encore un peu. J'attends la visite du signor Kram à 3 heures et j'aurai besoin d'être en pleine forme. Attends, ce n'est pas tout. Tu t'occuperas aussi de faire nos malles. Nos malles, signora? Ah oui, Graziella, il se peut que nous soyons obligés de partir ce soir ou demain. Bien, signora. Bon repos, signora. N'oublie surtout pas le télégramme. Graziella, va ouvrir, s'il te plaît. Oui, signora. Quelle exactitude, cher monsieur. Quelle joie. Quelle joie et quelle surprise. Vous êtes ravissante. De plus en plus ravissante. Dès que j'ai reçu votre télégramme, j'ai tout de suite pensé que... Mais seriez-vous enfin décidé à vous montrer moins cruel avec moi? Puis-je espérer? Pas si vite, signor Cram. Pas si vite. Mais pourquoi donc faire venir, alors? Oh, est-ce que je sais, moi? Un caprice? Peut-être n'avais-je rien à faire cet après-midi? Peut-être voulais-je vous faire goûter de mon excellent muscat. Peut-être un caprice, vous dis-je? Un caprice de femme. Mais tenez, goûtez bien de ce vin. Merci. Oh, signora, je vous en supplie, arrêtez de jouer avec moi comme le chat avec la souris. Vous me rendez fou, vous savez. Fou de désir. Fou de... Je vous aime, signora. Je suis fou de vous. Malheureusement, mon cher, c'est une passion que je ne partage pas. Oui, oui, oui, je ne vous demande pas de m'aimer du jour au lendemain. Si seulement vous pouviez avoir pour moi un peu de bonté, un peu d'affection. Un semblant de désir. Ah, oh, vous verriez, je vous rendrai la plus heureuse des femmes. Je vous en prie, signora. Tenez, là, là, là. Je vous le demande à genoux. Oh, relevez-vous, monsieur Cram, voyons. Vous êtes ridicule. Mais dites-moi... Voilà une déclaration en règle. N'abuseriez-vous pas de mon hospitalité? Oh. Allons, soyez sage. Et asseyez-vous plutôt là. Comme ça, oui. Et prenez encore un verre de muscat. Oh. On dit en Italie que ce vin a le goût des baisers. Ne le trouvez-vous pas? Enfin, que voulez-vous de moi? Lorenza, je t'en supplie. Sois à moi. Et je mettrai à tes pieds des monceaux d'or, des montagnes de dollars. En voilà des promesses. Moi, je suis bien sûre que si je vous demandais seulement les quelques dollars que vous avez dans votre portefeuille, vous ne m'en donneriez même pas un seul. Eh bien, tu te trompes, Lorenza. Tiens, voilà mon portefeuille. Prends ce que tu veux. Il y a plusieurs milliers de dollars, ils sont à toi. Prends-les tous. Ah, voyons. Des billets de 100 dollars. Et ils sont tout neufs. Oui. Voyons. 1, 2, 3, 4. Pourvu que les lettres soient là. 6, 7. Si ce misérable les avait laissées dans son coffre-fort, tout serait perdu. Ah non, voilà. La lettre du père de Louis. La reconnaissance de dette. Vite. Il n'a rien vu. Je les cache dans mon corsage. Et maintenant, vite. Je jette les dollars dans le feu. 19, 20, 21. Et hop, hey, le feu. Hé, hey. Qu'est-ce que tu fais? Quelle belle flamme. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle, ce sont des dollars, Lorenza Boyo. On ne brûle pas des dollars. Je croyais qu'ils étaient à moi. Mais non, mais oui, oui, mais... Bon, après tout, fais ce que tu veux. Mais rends-moi au moins les papiers qu'il y a dans ce portefeuille. Il y a des lettres auxquelles je tiens. Des lettres? Ah ah! Des lettres de femme, bien sûr. Mais c'est que je suis une femme très jalouse, monsieur Cram. Très jalouse. Allez, hop! Ah, au feu, les lettres de vos maîtresses! Au feu, toute cette paperasse! Au feu! Au feu! Hé, mais tu es folle, enfin, tu es folle! Rends-moi ces papiers, voyons! Ne m'approchez pas! Ne m'approchez surtout pas! Tout brûle! Fini les lettres de vos maîtresses! Fini! C'est vrai, tu es jalouse, Lorenza. Je ne comprends pas. Pourquoi, il y a 10 minutes, tu disais que... décidément, je ne comprendrai jamais rien aux femmes. Vous êtes terrible, vous savez, Lorenza. J'ai fait ce que vous me demandiez. Non? Alors, j'ai bien droit à un baiser. Un baiser, Lorenza. Un seul, un tout petit. Non. Vous avez mis trop de mauvaise grâce à céder à mes caprices. Et puis, je ne vous ai rien promis du tout. Oh, Lorenza, je n'en peux plus. Vous êtes cruelle. Mais non, je ne suis pas cruelle. Un peu capricieuse, c'est tout. Vous me le pardonnez, n'est-ce pas? Oh. Allez, revenez demain. Je vous récompenserai comme vous le méritez. Oh. Non, non. Demain, vous dis-je. Bon, ben, alors... À demain. Graziella? Graziella? La signora m'a appelé. Oui, Graziella. Raccompagne le signor Kram et reviens ensuite ici. À demain, monsieur Kram. Demain. Oh, pauvre Louis. Comme il va être heureux. Ah, Graziella. Vite, laisse les malles pour le moment et appelle-moi un taxi. Je dois aller le plus vite possible dire au signor Balthazar Buxton que le tableau que Fritz Kram lui apportera est un faux. Bien, signora. Bonjour, monsieur. Bonjour, Douglas. Bonjour, monsieur Privard n'est pas encore venu. Si, il vient juste de repartir, sir. Bon. Il a laissé pour vous une caisse qu'il a déposée dans le grand... Bon, c'est très bien, c'est très bien. Venez avec moi, Douglas. Ah. Vous allez m'aider à ouvrir cette caisse. Bien, sir. Je suis quand même curieux de voir ce tableau avant de l'apporter à Balthazar Buxton. Hé là, doucement. Doucement, Douglas, voyons. C'est un tableau ancien. Là, voilà. Aidez-moi, Douglas. C'est ça, comme cela. Mais attention! Oh! Quelle merveille! Ben, c'est bien, Douglas. Merci, merci. Vous pouvez vous retirer. Bon. Tout s'est bien passé. Heureusement que cet imbécile de Grivard a obéi à mes ordres. Tant qu'il croira que j'ai toujours cette fameuse lettre que Lorenza vient de réduire en cendres, je le tiendrai sous ma coupe. Mais c'est là le principal. Bon, il va être 5 heures, le vieux Buxton m'attend à 6 heures. Je ne serai même pas en retard malgré ma visite à cette charmante sorcière. Bonjour, monsieur Kram. Alors, ce chef-d'œuvre... Le voici, monsieur Buxton. Vous serez pleinement satisfait. Je l'espère. D'ailleurs, vos chèques sont prêts. J'en ai préparé 5 de 200 000 $ chacun, payables à la Central Bank. Cela vous convient-il? Oh, je vous fais confiance, monsieur Buxton. Et voilà le tableau. Ah! Regardez. Je comprends votre silence. Une telle œuvre laisse muet d'admiration. D'admiration? Monsieur Kram, ou bien vous êtes un voleur, ou bien vous êtes un imbécile. Choisissez. Hein, moi? Cette toile est un faux, monsieur Kram. Un faux très bien fait. Mais un faux, tout de même. Ou bien vous le savez, et vous êtes un voleur. Ou bien vous avez cru de bonne foi que cette toile était du Titien. Et alors, vous n'êtes qu'un imbécile. Vous allez me faire le plaisir de remporter ça immédiatement et de ne plus jamais remettre les pieds chez moi. Monsieur Buxton, ce n'est pas ainsi qu'on traite les affaires. Je ne doute pas que vous soyez un fin connaisseur, mais vous pouvez vous tromper également. Vous m'avez demandé de vous procurer un tableau qui appartenait à William Dorgan. Je l'ai acheté, je l'ai payé, et le voici. Payé? Pas bien cher, sûrement. Oui, mais ça ne vous regarde en aucune façon. Vous m'avez promis 1 000 000 $, vous me les donnerez. D'ailleurs, je suis sûr, quant à moi, que ce tableau est bien du Titien. Une imparpilleur à votre solde. Allez-vous-en. Sortez immédiatement ou j'appelle. Ah non, vous n'appellerez pas. On ne chasse pas comme ça, Fritz Kram. Je veux mon argent et je l'aurai. Écoutez, monsieur Kram, je ne suis pas aussi jeune que vous et je ne puis donc crier aussi fort. Mais vous me fatiguez. Je veux mes 5 chèques et tout de suite. Vous n'êtes qu'un misérable. Non, non, non, non, ne m'approchez pas, ne m'approchez pas. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi. N'essaie pas de sonner ou je t'étrangle. Lâchez-moi. Oh, il est mort. Bon, vite les chèques. Où sont-ils? Ah, là, dans le bureau d'ivoire. Ah, ils y sont. Bon, vite, il est temps que je file. Et la porte, où est la porte? Ah, oui, là, dans la muraille. Oh, mon Dieu, le jeton. J'allais oublier cette histoire de jeton. C'est Balthazar qu'il donne à travers le Judas. Et j'avais oublié. Je suis pris au piège. On va me découvrir enfermé ici avec ce cadavre. Bon, un vieux fou. Un sadique, un malade, voilà ce qu'il était. Et moi maintenant, pris comme un rat. Et comment sortir? Voyons, Fritz, calme-toi. Allons, calme-toi. Et réfléchis. Voyons. D'abord, le jeton. Il doit être dans une de ses poches. Fouillons-le. Tu ne triompheras pas, vieux squelette. Ah! Je l'ai! Mais, oui, mais si je le passe moi-même à travers le Judas, le gardien va se méfier. Il n'ouvrira pas. Voyons, voyons. Ah, mais, oui, voilà. Bien sûr, voilà ce qu'il faut faire. Je vais traîner le cadavre jusqu'au Judas. Je frapperai, selon le code de Buxton, le Judas s'ouvrira. Je ferai passer la main du vieux avec le jeton dedans. Et allons-y. Oh, il est léger comme une plume. Allez, ouvre ta main, vieille carcasse. Allez. Très bien, comme ça. Bon. Je frappe. Cette fois, je l'ai échappé mal. Ah, il faut absolument que je prévienne Cornelius. Le 759-34-75, mademoiselle. J'espère que nous pourrons tout de même toucher le million de dollars. Allô? Allô, Leonello? Passez-moi mon frère, s'il vous plaît. Oui? Ah, allô, Cornelius? Ah oui, je l'ai. J'ai l'argent. Mais j'ai tué Buxton. Ah non, non, non, non, non. Non, non, je te raconterai. Non, je suis chez moi. Non, non, non, non, personne. Aucun domestique de Buxton ne connaît mon nom. Attends demain matin. Pour toucher les chèques aussi. Oui, bon, bon, bon, bon. D'accord, Cornelius. Entendu, Cornelius. Je ferai comme tu me dis. Entendu. Demain matin chez toi. D'accord, Cornelius. À demain, Cornelius. Tu as lu les journaux, Fritz? Non. Encore, pourquoi? L'hôtel de Balthazar Buxton a brûlé cette nuit. Tout a été réduit en cendres. On a retrouvé son cadavre carbonisé. La plupart de ses domestiques sont morts asphyxiés en essayant de s'échapper du labyrinthe. C'est toi qui as organisé ça? Non, non, pour une fois la main rouge, n'y est pour rien. Alors c'est à croire qu'une providence diabolique nous protège. Oh, je pense que c'est beaucoup plus simple que cela. Je suppose que cet incendie doit être l'œuvre de quelques-uns de ses domestiques. Quand ils ont découvert son cadavre, ils ont compris que la seule chose qui leur restait à faire était d'emporter ce qu'il y avait de plus précieux et de cacher leur vol en allumant un incendie. En tout cas, nous allons pouvoir toucher l'échec. Ah, sans aucun problème. Mais au fait, ton peintre, Grivard, oui. Il n'est au courant de rien, j'espère. Oh, ne t'inquiète pas, il se taira. Mais tu as raison. Ah, oui, ah. Je vais quand même passer chez lui. C'est plus prudent. Qui c'est que vous demandez? Monsieur Grivard, monsieur Louis Grivard. Ah, le peintre. Oui. Il a foutu le camp. Hein? Vous voulez dire qu'il n'est pas chez lui en ce moment? Je vous dis qu'il a foutu le camp. Hier soir, avec ses valises et tout. Même que la souris qui est venue me chercher, elle était comme ça. Vous ne sauriez pas où ils sont allés par hasard? Ils allaient à... gare maritime. Bah, pour savoir où ils allaient après. Ils m'ont pas mis au courant. Ouais. Hé, dis donc. Bah, pourriez dire merci au moins, non? Oh. Broadway, numéro 333. Et vite, Douglas. Nous y sommes. Attendez-moi là, Douglas. J'ai bien peur de ne pas en avoir pour très longtemps. Pour louer la maison, c'est ici, monsieur. Louer la maison? Vous avez pas vu l'écriteau? House to let. Chez nous, ça veut dire à louer. Ah oui? Ben non, je n'avais pas remarqué. Si c'est pour la belle italienne, vous venez trop tard. Il fallait venir hier. Parce qu'avec tous les bagages qu'elle emportait, ça m'étonnerait qu'elle revienne, hein. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Chez mon frère Douglas. Ah, c'est bien moqué de moi, la belle Lorenza. Ah, je l'aimais pourtant. Cornelius a peut-être raison, finalement. Pas de femme, pas de problème. Ah, facile à dire, lui, il couche avec la science. Mais moi. Bon, enfin, il est temps de revenir aux choses sérieuses. Maintenant que nous avons ce million de dollars, nous allons pouvoir mettre au point notre plan de capture de la revanche et l'extermination de nos ennemis. Adieu, Lorenza. La main rouge est un vrai sacerdoce. Pauvre Fritz Kram, n'est-ce pas dramatique de n'être même pas aimé pour son argent? Et n'aurait-il pas mieux valu pour nos amis qui vont embarquer sur la revanche que la belle Lorenza se fût montrée moins cruelle avec lui? Eh bien, vous le saurez en écoutant la suite du mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, TSF. C'était le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Lauria d'après le roman de Gustave Le Rouge. 20e épisode, le portrait de Lucrèce Borgia. Avec Michel Bouquet, Jean Topard, Odette Barrois, Ginette Pigeon, Pierre Michael, Didier Conti, François Darbon. Musique du générique, Jean Viener, bruitage, Louis Matabon, chef opérateur du son, Bernard Charon, collaboration technique, Noélie Louis-Marie, assistante, Brigitte Bouvier, réalisation, Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 24 janvier 1978.